Les éditions de l'avenir présentent les résumés des aventures de Perry Rodden, tels que rédigés par Michel Vanereux. Cycle 4, le Deuxième Empire. Le fascicule allemand numéro 190, Amiral Gecko, écrit par Clark Dalton en 1965, fut adapté dans le volume français numéro 83, Mulhouse en mission, paru chez Fleuve Noir en 1989. Les unitaires ont réparé le Perdita, et celui-ci quitte enfin la planète où il s'était échoué. L'aide des rêveurs est la bienvenue, car une escadre de chasseurs les attend en embuscade. Gecko semble se calmer et devenir moins fier et moins arrogant, mais les autres Zilt sont toujours aussi insouciants et ne pensent qu'à jouer. Le 2 février 2329, le Perdita croise la route d'un croiseur bleu, endommagé lors d'un combat entre deux flottes du même peuple. Gecko accepte de les aider dans l'espoir que le commandant pourrait les renseigner sur le sort de Rodden, mais c'est en vain. Cependant, le commandant lui révèle l'existence d'une clé, quelque part dans notre galaxie, qui ouvrirait la porte vers d'autres galaxies. Le Perdita reprend tranquillement sa route. C'est alors que l'alarme retentit. Un ébranlement de structure d'une amplitude extraordinaire vient d'être enregistré par le Perdita à 300 années-lumière de leur position. Gecko décide d'aller voir ce qui se passe. Peu après leur arrivée dans un système doté de trois planètes, de nombreux vaisseaux bleus arrivent et engagent le combat entre eux. Le Perdita reste à bonne distance, et c'est alors qu'on apprend que Perry Rodden et les autres disparus sont sur l'une de ces planètes. La chaloupe s'apprête à se poser lorsque trois vaisseaux bleus surgissent et ouvrent le feu. Le Perdita ne peut pas se poser sur Roost, car les bleus les poursuivent sans relâche. Gecko décide alors de larguer, par ruse, un triskaf, piloté par Bokom, accompagné d'Emmy. Les deux mulots rejoignent Perry et ses compagnons juste à temps pour fuir une attaque des bleus sur les trois pyramides dans lesquelles les hommes étaient retranchés. Les bleus ne cessent de pourchasser le Perdita afin de le contraindre à se poser. Celui-ci ne parvient pas à récupérer le triskaf à bord duquel se trouvent Perry et ses hommes. Une grande flotte de navires bleus arrive et, malgré sa puissance de feu, le Perdita, sur ordre de Rodden, est obligé de prendre la fuite afin d'aller chercher des renforts. Sur Roost, les Bleus ont entrepris de fouiller la zone autour des pyramides et les Terriens sont obligés de s'enfuir. Rodden apprend que les Bleus ont lancé de vastes recherches pour les retrouver. Ils décident de se cacher au fond du lac. Le Perdita, après avoir été durement touché, a réussi à se réfugier derrière le soleil, d'où il continue à émettre un SOS. Le fascicule allemand numéro 191, Château le Lion, écrit par William Woltz en 1965, fut adapté dans le volume français numéro 84, La fin de la fuite, paru chez Fleuve Noir en 1989. Dans un système solaire du secteur oriental de la Voie lactée, Naomi Chatto, commandant du Lion, vient de détruire une base clandestine Aconide qui vend des armes de contrebande aux Bleus. C'est alors qu'il capte une étrange émission énergétique qu'il décide d'étudier de plus près. Arrivé sur place, il reçoit le SOS envoyé par le Perdita en difficulté. Perry Rodden serait en vie, mais il est en danger. En chemin, le croiseur croise la route de deux armadas de bleus en pleine bataille spatiale. Afin de couvrir ses arrières, le commandant décide d'envoyer deux chaloupes. Le Lion 3 part chercher du renfort. La seconde doit faire croire aux bleus l'arrivée imminente de ses renforts. Le Lion réussit à secourir les survivants du Perdita. Parvenu à 1 million de kilomètres de Roost, le navire se trouve face à une escadre qui stationne à 400 000 km de la surface de la planète. Chatto va tenter de ressurgir du vol linéaire derrière les lignes ennemies et larguer une vedette. Cette opération réussit, mais le vaisseau est pris en chasse par les Bleus. Sur Roost, Rodden et ses compagnons ne cessent de fuir. La réémersion du Lion manque de tuer Atlan, qui est sauvé in extremis par les deux Ilt, Emmy et Bokum. De plus, un monstre endommage leur engin, ce qui réduit leur capacité de fuite. Dans l'espace, la bataille entre trois croiseurs gathasiens et le Lion a tourné à l'avantage de ce dernier, mais il a quand même subi quelques avaries. Chatto réussit au dernier moment à retrouver Perry grâce au mulot castor et à les embarquer dans la navette, mais ils sont toujours poursuivis par les Bleus. Les tours se restèrent autour de la vedette des fugitifs. Heureusement, grâce à une nouvelle manœuvre audacieuse de son pilote, le Lion parvient au dernier moment à embarquer la vedette à son bord. L'escadre de l'amiral Roll Neyar, alerté par le Lion 3, surgit alors. Un bref combat oppose les deux escadres et les Bleus prennent la fuite. À bord du Lion, tout le monde fête la victoire, même si l'on sait que le Lion et le reste de l'escadre vont nécessiter plusieurs jours de réparation avant de pouvoir repartir. Le fascicule allemand numéro 192, La ruse de guerre de l'Aconide, écrit par William Woltz en 1965, fut adapté dans le volume français numéro 84, La fin de la fuite, paru chez Fleuve Noir en 1989. Dans le système d'Uzutan, l'Aconide, Able Bur, commande une base secrète qui fait de la contrebande d'armes avec les Bleus. Le Bleu Tan Pertrek, qui commandait la flotte vaincue par l'amiral Roll Neyar, vient de prévenir de la présence d'une flotte terrienne commandée par Perry Rodden dans le système de Simban, à quelques années-lumière de là, avant de se suicider. Able Bur décide de tendre un piège à cette flotte. Il va l'attirer en se servant de navires de contrebande comme appât. À bord du Lion, la situation est délicate. Néanmoins, il est convenu d'accélérer la remise en état du croiseur afin de permettre à Rodden, Atlan et Reginald Bull de repartir au plus vite, car la situation au sein du système solaire est grave. Le 13 février 2329, l'escadre de 150 navires de l'amiral Neyar détecte l'arrivée de la flotte de contrebandiers Aconides et se lance à sa poursuite. Seul le Lion, avec Perry Rodden, reste en arrière. Lorsque les Terriens parviennent à rattraper les fuyards, le piège se referme. Les 700 vaisseaux de guerre Aconides déferlent sur eux en deux vagues et les déciment. seule une trentaine de vaisseaux parviennent à fuir. Nayar confie alors une mission impossible à deux de ses vaisseaux. Tenter à tout prix de rallier le système solaire et ramener des renforts. En interrogeant les quelques rescapés terriens, Ablebur apprend que Perry Rodden est toujours vivant. Il apprend également que son vaisseau est endommagé. Il envoie aussitôt une escadre à sa recherche. Sur le Lion, la situation est analysée avec calme. La seule issue possible est d'embarquer tout l'équipage à bord de l'unique chaloupe et tenter de gagner une planète proche. Il se réfugie sur une des planètes du système de Sinban, couverte de méthane. Les vaisseaux ennemis découvrent le Lion, mais celui-ci a été piégé et il explose en détruisant plusieurs vaisseaux ennemis. Le Grey Star, un vaisseau de commerce, a capté un message de détresse émis par la chaloupe Lion 2. Après bien des hésitations, le commandant s'est décidé à alerter la Terre. Julian Tiffler part aussitôt à la tête de plus de 500 navires. Ablebur traque Rodden. Les recherches sur les mondes à oxygène se révélant vaines, il ordonne à sa flotte de fouiller toutes les planètes, en commençant par la troisième, justement celle où sont réfugiés les terriens. La flotte de Tiffler arrive au dernier moment et une partie des vaisseaux Aconides décide de déserter et prendre la fuite. Ablebur refuse de capituler et son escadre est alors anéantie ainsi que sa base sur Usut. Il est tué alors par son métis, un animal aux propriétés particulières qui s'est transformé. Le fascicule allemand numéro 193, Panique dans le système solaire, écrit par Kurt Brand en 1965, ne fut pas traduit en français. Les 802 chefs d'État et administrateurs des mondes terriens doivent se réunir sur Terre, courant mars 2329, pour discuter de la conduite à tenir après la mort supposée de Perry Rodden. Plusieurs de ces mondes désirent la scission. De son côté, Homer G. Adams tente de les ramener dans le giron de l'Empire par des pressions économiques. La défense galactique est sur le pied de guerre. La mystérieuse organisation terroriste, Étoile Noire, est passée à l'action, disposant d'espions au cœur même de la défense. Les 50 000 transmetteurs géants servant à la protection du système solaire ont été sabotés. Plusieurs agents, dont N.R. Dutchman, sont à la recherche d'indices pour démanteler l'organisation. Dutchman enquête sur la délégation plofosienne, dont le responsable est Frozer Metcho. Démasqué, il est rapidement libéré par ses collègues. Paul Anderson, administrateur du système Dala, tente de convertir à sa cause plusieurs généraux, mais il reçoit une fin de non-recevoir. Dutchman apprend qu'une bombe doit éclater sous le croiseur de Julian Tiffler, qui est bientôt attendu. Les administrateurs et chefs d'État se réunissent en session pour déterminer si Julian Tiffler est confirmé comme successeur de Perry Rodden. Le vaisseau de Julian Tiffler arrive, la bombe ayant été désamorcée, et Perry Rodden fait son apparition devant le Parlement stupéfait. La séance est immédiatement levée, Rodden devant s'adresser au Parlement dès le lendemain. Le nombre d'attentats dans le système solaire se multiplie. Metcho est recherché activement et la piste amène les enquêteurs de Mars à la Lune. Henner Dutchman est tué sur Mars en empêchant une catastrophe menaçant d'engloutir la ville d'Héliopore. Mais, finalement, grâce au déploiement de moyens de la défense galactique, le quartier général de l'Étoile Noire peut être investi. Frozer Mecho est tué par Maury Abreu par erreur, celle-ci croyant utiliser un paralysateur. L'Étoile Noire ne présente plus aucun danger, mais l'homme qui se tient dans l'ombre, Horatio Andro, est toujours en activité. Le fascicule allemand numéro 194, L'invasion secrète, écrit par Kurt Marr en 1965, fut adapté dans le volume français numéro 85, Péril sur Plofos, paru chez Fleuve Noir en 1990. Le 27 mars 2329, Perry Rodden déclare la dissolution de l'Empire Uni et de l'Alliance Galactique. Il résilie les pactes d'alliance entre l'Empire solaire et les autres nations. Une opération est aussi lancée pour mettre fin définitivement au pouvoir d'Horatio Andro. L'opération Musaraigne. Le 5 avril, un commando terrien part à bord du croiseur franc-passeur Manzo 21 pour le système de Galles. 50 cadavres ont été placés à bord. Le vaisseau, qui emporte aussi 53 tonnes de Molkex, s'écrase sciemment sur Sikos, la sixième planète du système. Une base secrète est rapidement érigée sous la surface, à la verticale de l'épave. Deux vaisseaux plofosiens arrivent et récupèrent les naufragés. Ceux-ci sont interrogés, mais par précaution, ils ont été immunisés contre les drogues hypnotiques. Un médecin plofosien éprouve tout de même des doutes, mais Guri Tetrona, le responsable de l'opération, lui injecte de l'amnésine qui lui fait tout oublier. Le faux Mazzo et ses hommes sont incarcérés dans la prison centrale de New Taylor. Mazzo est amené devant Izzet Huran, le responsable des services secrets. Celui-ci lui annonce que les soi-disant francs-passeurs sont libres. Il rachète même leur cargaison de Molkex et est intéressé pour en avoir d'autres. Les terriens restés sur Sikos gagnent discrètement Plofos et s'installent dans une base jadis édifiée par Arthur Constantine. Casimir Turek part à New Taylor prendre contact avec Guri Tetrona, mais il est trahi par son ancienne plaque minéralogique. Il est obligé de faire sauter sa voiture. Il finit par rejoindre les autres terriens. Un combat est simulé entre les francs-passeurs, permettant aux responsables de s'éclipser, laissant derrière eux de faux cadavres. Une campagne de terrorisme est lancée dans le but d'ébranler le pouvoir. Le fascicule allemand numéro 195, La chute du dictateur stellaire, écrit par Kurt Marr en 1965, fut adapté dans le volume français numéro 85, Péril sur Plofos, paru chez Fleuve Noir en 1990. Trois mois se sont écoulés depuis l'infiltration d'agents terriens sur Plofos. Le 27 juin 2329, Kel Bassa, un agent de la Garde Bleue, est enlevé par eux. Il reçoit une dose d'antidote alors que son délai allait expirer. Le but des terriens est de faire basculer Izzet Huran, le chef des services secrets, dans leur camp. Pour cela, ils lui remettent un message prouvant que Kel Bassa est toujours en vie, alors que le poison devrait l'avoir tué. Perry Rodden fait une brève apparition dans le système de Galles le 25 juin 2329, sommant Horatio Andro de rétablir des relations diplomatiques. C'est en fait une ruse pour fournir aux agents terriens 5000 ampoules de biocompensine l'antidote à la drogue de Andrew. Jerk Hansen, un fidèle de Andrew, va le voir le 2 juillet. Il est persuadé que des terriens sont à l'œuvre sur Plofos. Pendant ce temps, Izzet Huron est passé du côté des terriens. Le contact est pris avec des officiers plofosiens de haut rang pour qu'ils prennent la tête de la révolution. Ceux-ci se montrent toutefois hostiles envers Huron. Alors que Guri Tetrona s'entretient avec Hans Kesembi, le commandant en chef de la flotte spatiale, Jerk Hansen débarque soudain. Tetrona est paralysé, mais il parvient à fuir. Il est aidé par les autres terriens. Plus tard, Izzet Huron amène Guri Tetrona auprès de Iracio Andrew en personne, mais ce dernier a flairé le piège et ils sont obligés de s'enfuir. Dans les combats qui s'ensuivent, Jerk Hansen est tué. La révolution se passe sans effusion de sang, la nouvelle de l'existence d'un antidote faisant pencher la balance en faveur des terriens. Iracio Andrew parvient toutefois à s'enfuir. 3 heures plus tard, se pose une escadrille de croiseurs, emmenant avec elle Maury Abreu. Une analyse révèle que Jerk Hansen n'était qu'un robot. Le fascicule allemand numéro 196, La planète du dernier espoir, écrit par Koach Schier en 1965, fut adapté dans le volume français numéro 86, Le déclin du dictateur, paru chez Fleuve Noir en 1990. La planète Dernière Chance abrite un institut de recherche secret d'Iracio Andrew. Shelo Bonklin, responsable du central de communication, reçoit le message émis par Perry Rodden à toute la Voie lactée et informant de la fuite d'Iracio Andrew et de l'existence d'un antidote. Bonklin règle l'émetteur pour que le message enregistré soit diffusé dans toute la base, tandis que lui-même s'éloigne à bord d'un véhicule. Il est accompagné par 2 autres personnes hostiles au dictateur, Miles Strout et Eve Narcon. Quand la bande est diffusée, le commandant de la base, Konta Ognar, se met en colère. D'autant plus qu'Iracio Andrew a annoncé son arrivée. Il charge le major Merle Afgo de retrouver des fugitifs. Ceux-ci se sont cachés sur une créature géante, un marche-ou-crève, de plus de 500 mètres de long. Ils ne quittent cette cachette que quand Andrew arrive. On les croit alors morts. À son arrivée, le dictateur nomme Afgo gouverneur de Dernière Chance, Ognar ayant sombré dans la folie. Les recherches sur le radiant transformateur sont alors dans leur phase terminale. Quand Miles Strout intervient, Afgo se révèle être un allié. Il accède à l'hypercom et un SOS est envoyé. Andrew prend la fuite. On suppose qu'il a voulu rejoindre Inversia, une mystérieuse planète, au centre de la galaxie. Le fascicule allemand numéro 197, La danse infernale des géants, écrit par William Voltz en 1965, fut adapté dans le volume français numéro 86, Le déclin du dictateur, paru chez Fleuve Noir en 1990. Le Lion 2 est parti de la Terre le 23 mai 2329. Sa mission consiste à rechercher du Néo-Molkex. Un SOS l'amène auprès d'une épave aconite. L'unique survivant raconte que son vaisseau a heurté une masse inconnue dans l'hyperespace. On découvre des molécules de néomolkex sur la coque. Le Dion 2 arrive ensuite dans un système d'où émanent d'étranges pulsations énergétiques. Elles viennent de la quatrième planète, Pou, le soleil vert étant baptisé Green Slime. La chaloupe Dion 3 part prévenir la flotte terrienne, tandis que le vaisseau se pose sur la planète à l'atmosphère de méthane. Tous les appareils à base quantidimensionnelle tombent en panne. Ils aperçoivent des masses grises se mouvant au dehors. Le 18 juillet 2329, trois triskafs partent en reconnaissance. Ils découvrent du néomolkex, mais surtout des créatures géantes, baptisées danseurs, qui manipulent du néomolkex. Des plaques d'un kilomètre carré de cette substance existent sur Pou. Issue des blindages des navires bleus, elle a été attirée ici par les danseurs qui se nourrissent d'hyper-énergie. Ils sont sans doute issus du supra-être. Un des triskafs est touché par un danseur et l'équipage doit revenir à pied. Après un retour difficile, les terriens voient un danseur bondir et disparaître dans l'hyperespace. Des missiles d'origine inconnue commencent à tomber sur la planète. Le Dion 2 quitte la planète pour attendre l'arrivée des navires terriens. Le fascicule allemand numéro 198, Le Dernier Bastion, écrit par H.G. Ivers en 1965, fut adapté dans le volume français numéro 87, Arconis assassiné, paru chez Fleuve Noir en 1990. Iracio Hondro a trouvé refuge sur la planète Inversia, où se trouve une base importante plophosienne. Un vaisseau terrien est bientôt repéré et les Plophosiens cherchent à le détruire. Ce n'est autre que le Lion 2 du lieutenant-colonel nommé Chateau. L'officier qui a ordonné de tirer dessus au risque de trahir la position de la base, Merc Natobi, est destitué et s'enfuit dans le désert. Pour détourner l'attention, un commando Plophosien décolle à bord d'un vaisseau bleu capturé. Le navire est immédiatement repéré et détruit. Le corps d'un bleu est repêché dans l'espace, mais les terriens ont quand même des doutes. Le Tora, la nef amirale de Perry Rodden, fait alors son apparition, suivi de peu par le Pera, le vaisseau d'Atlan. Celui-ci explore le système et détecte une émission énergétique sur la troisième planète, Inversia. Elle est due à un tir de panique de Merc Natobi, qui se suicide peu après. Des forces sont envoyées à la surface. Après de durs combats contre les robots, elles investissent la base. Iracio Hondro est retrouvé mourant. Avant de mourir, il donne son activateur cellulaire pour qu'il soit remis à Maury Abreu. Les derniers Plophosiens font sauter la base. Le fascicule allemand numéro 199, La fin d'Arconis, écrit par Kurt Brand en 1965, fut adapté dans le volume français numéro 87, Arconis assassiné, paru chez Fleuve Noir en 1990. L'attention de la défense solaire est attirée par la soudaine augmentation du chiffre de vente des contacts allemands un composant positronique entrant dans la construction des canons désintégrateurs et des systèmes de visée optique. Une enquête prouve qu'ils sont acheminés vers le système bleu. Pendant ce temps, se prépare le mariage de Perry Rodden avec Maury Abreu, qui doit avoir lieu sur Plophos. Celui-ci a lieu dans la cathédrale galactique, lieu de culte pour toutes les religions de l'Empire solaire. Rodden remet alors à Maury l'activateur cellulaire que lui a remis Horatio Andrew avant de mourir. Des problèmes liés à des difficultés de repérage sont signalés dans le système d'Arconis. Une flotte de plus de 80 000 vaisseaux apparaît soudain. Des navires bleus aidés par les Aconides. L'alerte est immédiatement donnée. Les Aconides sont sans défense, les Aconides ayant mis au point des appareils pour provoquer l'effondrement de toutes les installations de repérage d'énergie et de matière au moyen de contacts allemands. Les flottes de l'Empire solaire, de l'OMU et de Plophos se ruent à l'aide, mais elles ne peuvent empêcher Arconis III d'être complètement détruite. La flotte ennemie bat en retraite, mais c'est la fin de l'Empire d'Arconis. Les éditions de l'Avenir vous ont présenté les résumés du cycle 4, des fascicules 190 à 199, des aventures de Perry Rodden, tel que rédigé par Michel Vanheureux. Vous pouvez le trouver à rodden.stellark.com. La musique utilisée de Kevin MacLeod, incompetech.com et Christian Martin. Cet enregistrement est diffusé sur contrat Creative Commons, Share Alike et est une production 2015 des éditions de l'Avenir. Pour tout connaître de nos productions, visitez l'avenir audio.canalblog.com. Merci de votre attention. À bientôt.